ta ba passi lelo. Papa ni ta ba passi lelo. Yo elonga. Yo elonga. Ta maladie lelo, tu connais ta maladie zame, la combo la yesu elonga, elonga na kolo yesu, elonga, elonga, elonga na kolo yesu, tu connais ta bampia kalelo, tu connais ta bampia kalelo. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, il est le même, alléluia. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, il est le même, alléluia. Natangili si toi la mokili na moni bato babo mwanaka, kasi yo obo mwanaka te. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, il est le même, alléluia. Alobana yo oye zande yo, nyangwana maloba kokela. Et tambora canamose, apostolo, biso pelo cora. Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, Jésus agit. Oh Rabbi, manifeste-toi. Rabbi, Jésus agit. Oh Rabbi, manifeste-toi. Rabbi, Jésus agit. Oh Rabbi, manifeste-toi. Rabbi, Jésus agit. Oh Rabbi, manifeste-toi. Rabbi. Papa la binini, pour la balananga. Papa la binini, pour la kela sinanga. Yanda la binini, pour la monsalana kolika. Papa la binini, voyage za kumbina. Yanda la binini, mokola no babengani. Radio la binini, manifeste-toi. Akiti, Asimina, Akiti, Asimina, Akiti, Asimina. Telema, sanduku wa mibeko, kumba papa, na mapeka. Sanduku wa mibeko, kumba papa, na mapeka. E papa, kumba, kumba papa, na mapeka. E tika to kumba, na mapeka. O sanduku wa mibeko, na kumbi, na mapeka. O sanduku wa mibeko, ngana kumbi, na mapeka. Cataras. Mabina kitoko, mabina ya lola ma. Mabina kitoko, mabina ya lola ma. Tumbishai, tumbishaye, tumbishai ma. Tumbishai zambi wanyo, tumbishai ma. Tumbishai betu muho, kina betu. Tumbishai, tumbishai, tumbishai, tumbishai, tumbishai, tumbishai.